Chapitre 3e. Son talent, première et deuxième manière. L'équilibre de facultés heureuses, mais non supérieures, la facilité de plume, l'assimilation prompte, et l'intelligence seulement un peu au-dessus de l'ordinaire, c'était de quoi être un bon écrivain et n'être aucunement original. Et en effet, pendant très longtemps, George Sand ne l'a pas été. Pendant très longtemps, comme Victor Hugo, mais à un degré inférieur, elle a reçu et reflété, du reste, très brillamment. En 1831, elle disait gaiement « Les monstres sont à la mode, faisons des monstres. » Les monstres de George Sand ne pouvaient pas être bien monstrueux, mais c'étaient en effet des êtres très extraordinaires. L'influence de Chateaubriand était dominante. Elle imagina des êtres infiniment mélancoliques et brisés, Indiana, Valentine, Lélia, Jacques, placés dans des situations bizarres et entourés de décors sauvages. Soyons sincères, la forme de ces ouvrages, belle souvent, nous y reviendrons, est singulièrement inégale, et le fond est franchement médiocre. Il n'y a pas un caractère qui se tienne debout, et les idées sont puériles. Les sentiments même sont presque vulgaires. L'idée de faire un René qui serait une femme n'était pas mauvaise. Mais cette pauvre Lélia n'a aucun sentiment profond. Elle ne dit rien qui n'ait été mieux dit avant elle par Chateaubriand, Lamartine, Vigny ou Byron. C'est une écolière un peu faible et une sermonneuse pénible. On sent là l'imitation et le manque de sincérité. C'est le René des cabinets de lecture, du Lord Byron au kilo, dirait Dumas fils. Et de ses premiers romans, c'est le plus soigné et le meilleur. Ce qui a dû séduire, c'est l'air à la mode d'abord, et ensuite le style, très faible, dans l'exposition des idées, dans les longs discours que l'auteur donne sous prétexte de conversation, mais déjà très éclatants, nombreux et magnifiques dans les descriptions. Certains paysages de Lélia sont d'une vraie grandeur, et dans Valentine, la peinture du Berry, qui devait être si souvent le triomphe de George Sand, lui porte déjà bonheur. Sans changer de manière, mais sur un ton moins sublime et moins tragique, elle donna dans André, Simon et Maupras, entre 1835 et 1837, des œuvres bien meilleures, moins inégales, moins mal composées, d'une plus grande vérité de sentiment, superficielle encore, et où l'on trouve du remplissage, seconde partie de Maupras, mais où éclatent des scènes vives et d'une singulière fraîcheur, première partie de Maupras. Elle était sur sa voie, elle allait au roman simple, sans ambition ni prétention, fait d'une douce aventure de cœur. C'est là-dessus qu'elle se fourvoya complètement. Quand on prête aux gens des opinions qu'ils n'ont pas, on finit par les leur donner. On avait vu dans George Sand un théoricien de l'émancipation de la femme, de l'anarchie, du scepticisme et du satanisme. Elle prit goût au rôle de penseur qu'on lui attribuait bien gratuitement, ne songea plus qu'au roman à thèse, et la thèse gâta ses romans pendant 10 années. On n'en était plus à l'inspiration de Chateaubriand. Ce qui régnait, en 1837, c'était d'une part un certain goût confus de mysticisme et de poésie symbolique, d'autre part les théories socialistes. Elle fit non plus des romans à grand sentiment, mais des romans à théories, à symboles et à idées. Elle n'avait pas une force de pensée suffisante, et c'est ce qu'elle a fait de pire. Dans les 7 cordes de la lyre, la métaphysique est infiniment confuse. Et le symbole, quelque effort que j'y fasse, m'échappe complètement. Je crois qu'elle n'en a eu qu'une idée très vague, vite perdue, et qu'elle n'a pas su retrouver. Consuelo est un chaos. Roman d'aventure en souvenir de Wilhelm Meister, théorie musicale, sciences occultes, divagations religieuses, verbiage énorme, le tout forme le rêve le plus lourd qui puisse être. Plus clair, et ne visant au moins qu'au seul socialisme, Le Meunier d'Angibault et Le Péché de Monsieur Antoine, à côté d'expositions d'idées très longues et creuses, ont des parties rustiques savoureuses et vraies, d'une grâce, d'un charme pénétrant. C'est qu'aussi nous sommes en Berry. Elle a touché la terre sacrée. Une fois encore, elle est sur son chemin. À ce coup, elle s'y tint, ou à peu près. Déjà, elle avait publié Jeanne, qui est un chef-d'œuvre. On n'y avait guère fait attention. Son goût l'avertit. J'entends le goût de son cœur, sa tendresse pour le sol natal. Elle avait trouvé son génie, qui était beaucoup moins compliqué et beaucoup moins pénible à soutenir qu'elle n'avait crue.